Joli tendron sur l'herbette couchée. De Pamela Engerlo de Vatry. Enregistré pour LibriVox.org. Joli tendron sur l'herbette couchée, laissez voir un charmant corsage. Un jeune amant, par ses yeux alléchés, lui tint à peu près ce langage. Et bonjour, charmante Isabeau, que vous avez d'appât, que votre corps est beau. Avec ce parfait assemblage, si votre humeur n'est point sauvage, vous êtes le phénix des belles de ces bois. » À ces mots, Isabeau ne se sent pas de joie, et, soit par faiblesse ou par choix, elle devient du jeune amant la proie. Le galant, refroidi, lui dit « Mon petit cœur, sachez que tout conteur vit aux dépens de celle qui l'écoute. » Cette leçon déplut beaucoup sans doute. Le tendron, honteux et confus, jura mais un peu tard qu'on ne l'y prendrait plus. Fin du poème. Enregistré par Izad en 2022. Cet enregistrement fait partie du domaine public.